Atoye kola Mama we nirade ye doho Jaseri mama we Nene mora beseri mama we Nenda fisenge ye toka muhaya Bonsoir et merci pour votre fidélité. Vous écoutez la radio associative indépendante Bonnes FM. Il est 19h précise, le journal en français de cette soirée du 10 septembre 2021. Le journal avec Willy Sintaïheoura. Toussaint Bidimana est de l'autre côté vitré. D'abord, les grandes articulations de ce journal. Le développement du Burundi a été bloqué par les crises encycliques qu'a connues le Burundi et les auteurs des crimes devraient assumer les fautes et demander pardon pour espérer voir la paix au Burundi. C'est selon la commission Vérité et Conciliation sévère. Et de l'autre côté, le parti Hanak voit plutôt que la CVR devrait utiliser du carbone 14 et l'ADN pour mieux identifier les victimes et vous l'entendrez dans cette édition. Et les avocats qui s'adonnent à la corruption devraient être rayés de la liste de l'ordre des avocats propres de l'ordre des barreaux de Gitega. Vous l'entendrez également dans cette édition. Et c'est vendredi, comme à l'accoutumée, la chronique économie est au rendez-vous. Bienvenue. Bienvenue encore aux pages sentiers pour débuter cette édition. La campagne de dépistage COVID-19 pour les élèves internes a débuté le matin dans ce vendredi en mairie de Bujumbura. Au centre de dépistage au COVID-19 se trouvant au quartier Uzibase dans la zone Kanyosha de la commune Muha. Jusqu'à 10h du matin, plus de 500 personnes attendraient d'être dépistées. Les personnes rencontrées sur les lieux ont raconté que les procédures de dépistage prennent beaucoup de temps, plus avec Alice Ndaïdé. Au centre d'accueil de dépistage au COVID-19 se trouva au quartier Ruziba, zone Kanyosha, dans la commune Muha, au lancement de la campagne de dépistage du COVID-19 pour les élèves internes. Jusqu'à 10h, plus de 500 personnes étaient déjà reçues leur numéro d'ordre. À part les élèves internes, même d'autres simples citoyens dont le nombre était minime ont pris part à ces procédures de dépistage sur ce centre de dépistage de Ruziba. Ceux qui s'y ont rendus pour se faire tester le COVID devaient d'abord recevoir leur numéro d'ordre à l'entrée et par après s'inscrire pour plus tard être testés. Les personnes rencontrées en train de se faire dépister nous ont informé que les procédures prennent les pieds parce que parmi les plus de 500 individus qui avaient déjà reçu leur numéro d'ordre, seulement 190 ont été enregistrés pour le dépistage jusqu'à 10h. Ceux qui étaient testés positifs sur ce centre d'accueil de Ruziba ont été octroyés des médicaments gratuitement. Cette campagne de dépistage au COVID-19 pour les élèves internes a commencé dès ce vendredi et se clôturera jusqu'au 14 septembre 2021. Merci à Alice Ndaïdé et ce n'est pas seulement dans la capitale économique au Bujumbura où ce dépistage a eu lieu, même dans la province de Makamba, la campagne de dépistage pour les élèves est en cours. 72 élèves étaient déjà dépistés jusqu'à 11h de ce vendredi et aucun cas positif. Cette campagne se déroulait à l'hôpital principal de Makamba. À Makamba, David Ndereimana, correspondance. Le travail de dépistage de COVID-19 pour tous les élèves qui fréquentent les écoles au régime d'internat a commencé à 8h le matin de ce vendredi à l'hôpital de Makamba. On accueille tous les élèves qui viennent se faire tester sur une base volontaire. Mais comme nous l'avons vu, beaucoup d'enfants qui viennent se faire tester, c'est ce qu'ils disent dans d'autres provinces. Leurs parents nous ont fait savoir qu'ils voulaient savoir comment est la santé de leurs enfants avant qu'ils prennent voyage vers les lycées. Jusqu'à 11h de ce matin, seulement 72 élèves ont été testés et tous ont été postés négatifs. Chaque enfant dépisté reçoit un papier confirmant qu'il a effectué le test au coronavirus et qu'il a été posté négatif. Certains parents demandent que le nombre de médecins soit augmenté pour diminuer les chaînes des enfants qui attendent sur le banc. Comme nous l'avons constaté à l'hôpital de Makamba, un seul médecin faisait le test. Les enfants étaient au rang en attente sans port de masque. Pour le dépistage aux écoles au régime d'internat, commencer suivre jusqu'au début de la rentrée scolaire parce que, comme certains médecins nous l'ont dit, aujourd'hui, c'est difficile que les élèves soient encore chez eux. La situation est ainsi alors qu'il y a des appareils qui ne sont pas encore arrivés. Comme nous l'avons vu, le nombre de ceux qui viennent se faire tester est très faible. L'administrateur de la commune Makamba a sorti communiqué encourageant toutes les familles à faire dépister leurs enfants. Rappelons que cet dépistage prendra fait le 14 septembre de la semaine prochaine. Depuis Makamba, David Nderimana pour la radio Bonisha FM. Et transport, à présent, le ministère du Commerce, Industrie et Tourisme met en garde tout conducteur qui passera outre le prix du ticket dans les jours de la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. Dans un communiqué sorti ce vendredi, Jeremy Baniguanizigo, secrétaire permanent de ce ministère, appelle à tout passager de dénoncer chaque transporteur qui augmentera le prix du ticket afin de lui punir conformément à la loi. Jeremy Baniguanizigo. Dans ces moments de rentrée scolaire, il s'observe souvent certains chauffeurs qui s'arrogent le droit de ne pas respecter le prix du ticket de transport fixé. Pour pallier à cette mauvaise pratique, nous mettons en garde quiconque sera attrapé en train d'outrepasser le prix. Dès lors, des amendes lui seront infligées et d'autres sanctions sévères seront prises à son endroit. Nous saisissons cette occasion pour appeler les passagers à collaborer étroitement avec l'administration locale et la police en charge de la circulation routière en vue de signaler les cas de violation du tarif. Lancement officiel ce vendredi du recensement général de l'habitat. Lors de l'ouverture solennelle, Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, a indiqué que ce recensement va aider dans certains domaines du développement du pays. Président Ndayishimiye a ajouté que ce recensement pourra aider à éradiquer la pauvreté. Evariste Ndayishimiye. Ce recensement aidera à connaître les effectifs de la population, les logements et l'agriculture et l'élevage. Cela permettra à l'État à aider le projet pour le développement du pays sur la base des besoins de la population. Ces statistiques vont aider également l'Organisation des Nations Unies et ses démembrements, les bailleurs de fonds, s'en servira aussi. Surtout par rapport au classement dans le développement, surtout en agriculture et l'élevage. Ils vont déterminer la place du pays par rapport à l'économie, surtout en matière de l'agriculture et de l'élevage, ainsi qu'à la nutrition et au bien-être de la population. L'État burundais a déjà l'image du pays jusqu'en 2025 pour examiner où nous sommes. Les statistiques sont nécessaires pour le développement. Notre souhait est de combattre la pauvreté. C'était le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Alain Niyomutamanza. Justice, à présent, la Commission nationale Vérité et Réconciliation devrait statuer sur toutes les crises qu'a connues le Burundi sans aucune partie. Propos de Tassien Sibomana, homme politique. Tassien Sibomana souligne également que cette commission devrait être composée des experts en anthropologie qui déterminerait en quelle année les ossements ont été retrouvés. Tassien Sibomana. Avec l'évolution des négociations entre l'Organisation des Nations Unies, les partis signataires et le gouvernement burundais, on en était arrivé à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation et à un tribunal spécial chargé de juger les criminels. Malheureusement, au fil du temps, le volet judiciaire a été oublié jusqu'à consacrer la mise sur pied de la seule commission vérité et réconciliation. Et même là, et c'est ça qui est très marrant, même là, je dis bien, la Commission Vérité et Réconciliation, telle qu'elle travaille aujourd'hui, a été dénaturée. par rapport à celle que préconisaient les signataires de l'accord d'Abraham. Dénaturé quant à sa mission, quant à sa composition et quant à ses deux objectifs ultimes, j'entends par là la vérité sans parti pris et la véritable réconciliation des groupes. Voilà pourquoi la commission Vérité et Réconciliation d'aujourd'hui, pour moi, en tant que juriste, en tant qu'homme politique et en tant que personne qui suit de près et qui a même fait des recherches sur la justice transitionnelle, j'apprécie de façon mitigée, pour ne pas dire de façon négative, le travail de la CVR. Parce que justement, elle n'a plus les mêmes missions et elle n'a plus finalement les mêmes objectifs tels que consignés dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Comment est-ce que la CVR devrait travailler pour vous? D'enquêter pour faire la lumière, établir la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits sécurisés dans notre pays, de qualifier les crimes et établir les responsabilités, ainsi que l'identité des coupables et des victimes. 3. Arbitrer et réconcilier. Et à cette fin, et à la fin de l'enquête, cette commission devait arrêter ou proposer aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon. Enfin, et ça c'est au niveau macro, elle avait autre mission de clarifier l'histoire en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. C'était Tassien Siwamana, il était au micro de notre confrère Mireille Naomi Nitegeka. Pour le parti Hanak, la commission Vérité et Réconciliation Sévère devrait utiliser du carbone 14 et de l'ADN pour mieux identifier les familles auxquelles appartenaient les restes humains qu'elle est en train d'exhumer. C'est du moins l'avis d'Aloïse Baïtchako, président du parti Hanak. Baïtchako indique que ces technologies pourraient aussi aider à éviter les soupçons. Aloïse Baïtchako. Oui, la CVR vient de terminer les activités liées à la recherche des disparus de 1972 à Mai de Bujumbura. Mais nous sommes restés sur notre soif quant au travail de la CVR parce que la CVR avait toutes les possibilités, tous les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire quoi? Vous savez que les tueurs de 1972 ont eu comme début l'arrestation du roi Ntare V, qui était en Ouganda, qui a été rapatrié au Burundi, qui ensuite a été tué dans un camp militaire de Gitega. Parmi les gens qui l'ont assassiné, il y a ceux qui sont encore en vie. Et pourquoi est-ce que la CVR ne peut pas user de ces possibilités pour travailler sur cette personnes qui ont participé à la tuerie du Ntare V, afin qu'on puisse savoir justement où est-ce qu'il a été enterré. Parce que vous vous souvenez qu'on a dit qu'il a été tué à la Kiza d'être à la tête d'une rébellion qui était en train de naître, une rébellion Hutu, laquelle rébellion allait peut-être faire revenir le roi, la monarchie au Burundi. Et comme ça, il a été tué. Il y a sa famille qui a encore besoin de connaître où est-ce qu'il a été enterré pour qu'il soit peut-être enterré avec dignité. Il n'y a pas que cela. Il reste qu'on est en train de déterrer. Il y a des familles qui sont encore là. Il faut utiliser les moyens actuels, l'identification de l'ADN. Il faut utiliser le carbone 14 pour que les familles puissent savoir réellement si les personnes déterrées sont les leurs. Parce qu'il y a moyen. Il y a des familles qui sont encore en vie. En comparant leur ADN et l'ADN de ce reste, on peut connaître que telle personne appartient à telle famille. Et ça va aussi éviter les soupçons. Vous savez qu'on dit qu'il y a des morts de 72-93, les morts de 88 à Kirundo, Nega Marangara, qui sont en train d'être déterrés à même temps que les restes de 72. Cela va donner une lumière et ça va éviter des soupçons. De l'autre côté, la commission Vérité et Réconciliation fait savoir que le Burundi ne peut en aucun cas se développer tant qu'il n'y a pas la paix et que tous les dirigeants soient impartiaux. l'a dit Pierre Claver, Ndayi Tchalié, président de la CVR, ce vendredi à Moulin Diallo, du lancement de la phase d'exhumation des restes humains dans cette province lancée sur la colline Gwassazi de la commune Moulin Diallo. Ndayi Tchalié fait savoir que ce sont les crises encycliques qui ont bloqué le développement du pays et lance un appel à tout auteur de crime d'assumer la faute et de dénoncer plutôt et de demander pardon pour soulager le pays et sa famille. Pierre Claver en Haïtien, traduit en français par Saif Iladokounde. Nous amenons la réconciliation pour sauver notre pays, sauver les familles et même les auteurs des crimes. Qu'ils demandent pardon pour soulager leurs enfants et leurs familles. Ce n'est pas l'ethnie qui tue, mais plutôt la mauvaise gouvernance. Dans les jours à venir, on va faire le recensement de toutes les victimes des crises qui ont pesé sur le Burundi. Nous venons de passer tant d'années en commettant des tueries sans cesse. C'est pourquoi le Burundi ne se développe pas. Nous nous lançons dans les rues tête haute en chantant l'unité qui n'est pas une, en chantant la paix, mais cette paix est éphémère. Nous faisons semblant de vivre l'amour, mais la solidarité négative ne manque jamais quand il s'agit de tuer telle ou telle autre personne sans distinction aucune. Quand tu es un dirigeant sans l'amour de ton peuple, la paix et le développement ne sont pas possibles. C'est le pourquoi de ces larmes des Burundais sans fin. Dans les jours à venir, nous commencerons des audiences publiques pour clémencer les cadres ou toute personne complice dans tout massacre qu'a connu le Burundi. Nous conseillons à tout auteur de crime d'assumer la faute et demander pardon. Le Burundi a besoin de paix et les piliers de cette paix sont la vérité et le respect mutuel. Le respect mutuel signifie respecter les droits de tout être humain. Toujours justice, les avocats qui s'adonnent à la corruption devraient être rayés sur la liste de l'ordre des avocats. C'est du moins ce qu'estime Jean-Bosco Bigirimana, président du barreau de Gitega. C'était ce vendredi lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022 pour les avocats des ordres d'avocats de Bujumbura et de Gitega. Jean-Bosco Bigirimana signale que tous les avocats qui outrepasseront l'éthique seront punis conformément à la loi. Suivez. Si vous entendez le chef de l'État s'inscrire en faux contre la corruption, vous comprenez que les juges, s'il y en a qui sont corrompus, ils ne se corrompent pas. Nous ne berçons pas d'illusions. Probablement que dans les rangs des avocats, il y a quelques brebis égarés qui versent dans ce tort. C'est ainsi que, ensemble, nous pouvons identifier et trouver des solutions ensemble pour combattre des fléaux comme celui-là. La profession peut même disparaître. Un justiciable peut se dire, pourquoi payer un avocat quand je peux acheter un juge? Donc, c'est dire que, ensemble, nous pouvons arrêter des stratégies ensemble et nous envisageons même mettre sur pied un comité disciplinaire des deux barreaux pour identifier et sévir contre certains écarts de comportement professionnel. Je dirais que, vraiment, ils peuvent dire au revoir à la profession parce que désormais, si on les identifie, on va les sanctionner. On a déjà pris une mesure draconienne de radiation à l'endroit d'un avocat surpris. Donc, c'est dire que maintenant, le combat sans merci a commencé afin qu'on puisse avoir des corps doués d'une éthique et d'une déontologie appropriée en vue d'une saine justice. C'était Jean-Bosco Bigirimana et quittant l'ordre des avocats pour les magistrats. Remplacer tous les magistrats qui se méconduisent pourrait redorer l'image de la justice burundaise. C'est l'affirmation de Jeannine Nibizi, ministre de la Justice, dans une conférence publique tenue ce vendredi avec les professionnels judiciaires et la population en mairie de Bujumbura. Jeannine Nibizi. Nous Aucun pays ne s'est développé sans justice équitable. Pour ceux, là où règne la justice, l'économie y trouve sa place également. Parce que même les investisseurs se sentent en sécurité quand il y a la justice pour tous. Quand ils ne croient pas à la justice du pays, ils résistent à investir, ce qui freine le développement. Souvenez-vous, le magistrat n'est pas une île dans un océan. Quand vous voyez Son Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que magistrat suprême, moi, en tant que numéro un du secteur de la justice, je lui ai supplié pour venir vous faire un clin d'œil afin que vous puissiez vous ressaisir. Ce qui est sûr est que vous le connaissez vous-même. Vous vous connaissez aussi, je sais. Malheureusement, vous voulez cultiver la solidarité négative. La ministre Jeanine Nibizi, traduit en français par notre confrère Aimé Richard Nyongourou, après une courte pause, chronique économie. Chronique économie sur Bon Essai. Dans la chronique économie de ce vendredi, nous vous menons vers le marché communément appelé chez Sion. Les commerçants qui vaquent à leurs activités dans ce marché Bujumbura City Market ont indiqué que le mouvement des Congolais qui fréquentent ce marché a diminué. Ils précisent que c'est suite à la cherté du dépistage de la COVID-19 pour les Congolais qui entrent au Burundi. L'expert en économie estime que malgré la réouverture de la frontière burundo-congolaise, le pays enregistre toujours un manque à gagner suite aux conditions mises en place et qui ne facilitent pas ceux qui traversent cette frontière chronique avec Christine Kamikati. Le marché Bujumbura City Market, communément appelé Sioni, est habitué à accueillir des Congolais qui entrent pour s'approvisionner. Cependant, ces Congolais viennent actuellement au compte-gouttes depuis la réouverture de la frontière burundo-congolaise et que le gouvernement burundais a fixé un prix de $30 pour faire le test de la COVID-19 pour les Congolais qui entrent au pays. Ces commerçants rencontrés au marché Bujumbura City Market indiquent qu'ils ne voit plus les va-et-vient de ces Congolais. Nous sommes contents que la frontière de Gatumba est réouverte, mais les petits commerçants sont nos clients et ce sont eux qui vont au Congo pour vendre les bassins, les souliers, les draps. Si on les demande de payer les $30, c'est vraiment lourd pour eux parce qu'ils n'ont pas de capital suffisant. Prosper Niyoboke, expert et professeur en économie, indique que malgré la réouverture de cette frontière, le pays enregistre un manque à gagner lorsque les conditions posées ne facilitent pas toutes les parties. La question qu'il faut se poser, là il faut partir sur certaines connaissances sociologiques et sociales, donc par rapport au Burundi et à la RDC. Je voudrais que la RDC, donc l'est de la RDC, spécialement c'est Bukavu, ici Uvira, je dirais qu'il s'approvisionnait beaucoup au niveau des marchés, donc les différents marchés de la capitale de Bujumbura, la capitale économique de Bujumbura. Et du coup, ça veut dire que la rivalité devrait davantage profiter au Burundi parce que les Congolais en venant pour s'approvisionner, ils devraient venir avec les devises. Mais avec ces barrières sanitaires, c'est une bonne chose, ça protège les Burundais. Il y a une sensibilité, une retenue, ce qui réduirait vraiment sensiblement le volume de ces acteurs commerciaux qui devraient venir s'approvisionner. Alors, ça veut dire que quand je parle des gens qui devraient venir, ça veut dire que les exportations, ça concerne les exportations. Ça veut dire le volume d'exportation de ces Burundais qui devraient que le produit de la RDC, ça va en diminuant. La frontière burundo-congolaise avait été fermée pour éviter la propagation du coronavirus. Il y a environ 3 mois, le gouvernement a pris la décision de réouvrir cette frontière. Merci à Christine Kamikadi et c'est par cette chronique économique pour la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Toussaint Bizimana pour sa parfaite collaboration technique. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la RCF Bon Essai FM. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboura et un bon week-end et surtout bonne suite de programme.